السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، on est toujours dans l'explication de Nawaqid al-Islam de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, explication faite par le noble Cheikh Salafi hafidahullah Cheikh Muhammad ibn Omar ibn Salim Bazmoul, qui est un cheikh contemporain qui vit à la Mecque et qui enseigne à la Mecque, hafidahullah ta'ala. Et on est arrivé au sixième annulatif. Sixième annulatif, on avait déjà vu en partie, on est arrivé, si je ne me trompe pas, au cinquième point. Parce que le cheikh, il avait dit qu'on tire de cela combien de points? Je crois qu'on en avait cité sept, c'est ça? Dans le cours précédent, on a dit qu'on en a, on avait fait combien? Quatre, hein, qu'on a laissé le cinq, le six, le sept, pour aujourd'hui. Et donc on terminerait donc le sixième annulatif aujourd'hui. J'avais dit que on allait citer aujourd'hui, on va le faire inchallah, des fatwa de Cheikh Mohamed Ben Ibrahim rahimahullah, qui est le mufti anciennement, bien sûr il est mort rahmatullah, de l'Arabie Saoudite, qui est parmi les chiours de Cheikh Ben Baz d'ailleurs, qui était le mufti avant Cheikh Ben Baz rahmatullah al-jami'. On va les lire aujourd'hui. J'avais dit que j'allais essayer de trouver la cassette où on lit, quelqu'un lit ces fatwa là à Cheikh Al-Albani, et Cheikh Al-Albani est très content de ce qu'il entend, et il va dans le sens de ce que dit Cheikh Mohamed Ben Ibrahim, et il explique cela. Je l'ai retrouvé cette cassette, j'ai réécouté, etc. Mais Sarahatan, on ne va pas le faire aujourd'hui. C'est peut qu'on le fera peut-être une fois à la maison, ou à la radio, ou autre, mais on ne le fera pas aujourd'hui. À la Kolihal, et par rapport au Majmou al-Fatawa, j'avais dit quelque chose la semaine passée, hein, il y a des frères qui m'ont posé la question après, je me suis renseigné, et ce n'est pas établi. D'accord? Donc j'ai corrigé ça dans l'audio, Inch'Allah, donc une nouvelle version sur l'audio. Et ce qui a été dit sur Majmou al-Fatawa par rapport à sa vente, etc., et son édition, c'est pas établi, et il n'y a pas de fondement là-dessus, donc je retire ce que j'ai dit, d'accord? Ça va? Donc ça c'est clair, et ça a été changé dans l'audio déjà, pour que ce soit... Quand c'est une question d'amana ilmiya, d'être correct et précis dans ce qu'on dit, ça va, Inch'Allah? Maintenant, le cinquième point, le mas'al al-khamisa. اختلف العلماء رحمهم الله في هؤلاء النفر الذين نزل في حقهم ما نزل، هل كانوا مؤمنين صادقين في الإيمان وكفروا بهذا، أم كانوا يظهرون الإيمان ويعاملون في الظاهر معاملة المؤمنين وهم في الباطن أهل نفاق. Donc Cheikh Bazmoul, حفظه الله, il rapporte le cinquième point, toujours par rapport à quel annulatif? C'est quoi le sixième? Qu'est-ce qu'il récitait par cœur, par exemple, parmi les frères qui... ou connaissent tout le matin par cœur, ou sont en train de le mémoriser petit à petit. Tu hésites? Qui sait le corriger ou... Hein? Tu sais dire tout l'annulatif? Vas-y, on va voir par rapport à ce verset-là aujourd'hui, pourquoi c'est le pluriel qui a été dit « la ta'tadiru ». Cinquième point, Cheikh Bazmoul, hafidahullah ta'ala, il dit « Les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont divergé au sujet de ce groupe de personnes » au sujet desquels fut révélé ce qui fut révélé. De quel verset on parle ici? Du verset qui vient de réciter. Le verset de quelle sourate? Tawba, qu'on appelle aussi comment? Bara'a. On va voir ça plus tard, Inch'Allah. Et j'avais dit que j'allais rapporter aussi Sabab al-Nuzul. Ce qui est important de comprendre, hein, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ce verset a été révélé, d'accord? Ça, on va aller plus tard, Inch'Allah, dans le cours, on va sortir du Sharh de Cheikh Bazmoul, Mohamed Bazmoul, et on va aller dans le Sharh de Cheikh Al-Fawzan. Ce qui rapporte, en fait, le sabab du nuzul de l'ayah, etc. Qu'est-ce qui a tiré de ça? Donc, Cheikh, il dit, les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont divergé au sujet de ce groupe de personnes, au sujet desquelles fut révélé ce qui fut révélé. Étaient-ils des croyants véridiques dans leur foi, qui ont mécru en raison de cela? D'accord? Ou montraient-ils en apparence la foi, et étaient traités en apparence comme le sont les croyants, alors qu'intérieurement, ils étaient hypocrites? Il y a ici différents avis. Je répète, c'est ce qu'ont dit les ulama. Étaient-ils des croyants véridiques dans leur foi, qui ont mécru en raison de cela, par rapport, le verset est clair d'ailleurs à ce niveau-là, en raison de cela, ou montraient-ils en apparence la foi et étaient traités en apparence comme le sont les croyants, alors qu'intérieurement, ils étaient quoi? Des hypocrites. Alors, Cheikh, il dit, il donne les différents avis. Et si vous voulez, après aussi, on va rapporter ce que Cheikh Al-Fawzan voit comme étant ce qui est correct. Il dit, من العلماء من رجح الأول أنهم كانوا مؤمنين أهل إيمان صادق خرجوا من الدين بمجرد هذه الأقوال ومن العلماء من رجح الثاني وقال إن هؤلاء نفر من المنافقين كانوا يظهرون الإيمان ويعاملون بمعاملة المؤمنين بدليل أن ما صدر منهم يتنافى مع وجود إيمان في القلوب وبدليل أن سياق الآيات كان في المنافقين قال الله تبارك وتعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب فلا on revient à la partie du verset qu'on a cité. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون سورة التوبة verset 64 à 67. Donc Cheikh Bezmoun rapporte cette divergence et il commence en disant certains savants ont l'avis où on dit que l'avis le plus fort est le premier avis qui est quoi? Qu'ils étaient des croyants, des gens qui avaient une foi véridique, qui sont sortis de la religion par le simple fait qu'ils aient dit ces paroles. C'est quoi ces paroles? Ce sont des paroles d'istihza, de se moquer. On avait rapporté par rapport à ça, et on va voir plus en détail dans la raison pour laquelle les versets ont été révélés, quelle était leur moquerie, et qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport au prophète, alayhi salatu wassalam, et aux sahaba, et qu'en raison de ça, on a dit que c'était quoi? C'est un des annulatifs de l'islam. D'accord? Donc ici, Cheikh, il dit, qui étaient donc des croyants véridiques, qui sont sortis de la religion par le simple fait qu'ils aient dit ces paroles. Et parmi les savants, maintenant un autre avis qui est quoi? Il y en a qui ont dit que l'avis le plus fort est le deuxième. C'est quoi ce deuxième avis qu'on vient de citer d'ailleurs? Eh bien, c'est que ce groupe de gens étaient des hypocrites qui montraient la foi en apparence et étaient traités de manière apparente comme sont traités les croyants. Et la preuve de cela est que ce qui a émané d'eux, ce qui a émané d'eux en termes de parole, c'est quoi? Ça s'oppose au fait qu'il y ait de la foi dans leur cœur, dans les cœurs. Et aussi pour preuve que le contexte des versets, c'est pour ça que le cheikh ici après, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cité que la partie du verset qu'il cite dans le matn du livre, il a cité ce qu'on appelle siyaq al-ayat, d'accord? C'est-à-dire le contexte dans lequel ce verset est arrivé. Et le contexte, il est de quoi au sujet de qui? Des hypocrites. Écoutez ce qu'il dit ici, il dit, et aussi pour preuve que le contexte des versets est au sujet des hypocrites. Allah dit, selon la traduction du sens est, les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate, leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Dis, moquez-vous, Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution de cacher. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. On a rapporté déjà dans le cours précédent. Dis, est-ce d'Allah, de ces versets, le Coran, et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. D'accord? Si nous pardonnons une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres, ils commandent le blâmable, interdisent le convenable et replient leurs mains d'avarice. Ils ont oublié Allah et il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Surat Tauba, verset 64 à 67. Puis Cheikh continue son explication, il dit, pour les frères qui ont le livre en langue arabe, pour les autres peut-être qui se mettent à côté de frères qui ont le livre, ce sera peut-être plus facile pour eux poursuivre. 141. وبعض العلماء قال لا بل هم مؤمنون بدليل أن الله أثبت أنهم من أهل الإيمان وأثبت أنهم كفروا بعد الإيمان. وأقول القائل من شيخ محمد بزمول حفظه الله تعالى الذي يظهر أن هؤلاء النفر كان منهم أهل الإيمان ضعيف وأهل نفاق، والإيمان الذي أثبته الله لهم يصدق على الإيمان الضعيف وعلى الإيمان الذي يعامل به أهل النفاق في الدنيا. فإن من أظهر لنا الإيمان وأبطل لنا النفاق نعامله بمعاملة أهل الإيمان، فنأكل من ذبيحته ونزوجه من بناتنا ويدفن في مقابرنا وأمره إلى الله. ولذا أطلق الله عليهم أنهم أهل الإيمان فقال قد كفرتم بعد إيمانكم. فالآية إذن في سياقها وفي المعنى الذي جاءت به ما يؤيد ويرجح أن هؤلاء النفر كان فيهم أهل النفاق، وإلا فإنه لا يصدر استهزاءهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه وفي قلوبهم أصل الإيمان وأصل التوحيد، وإنما يصدر هذا من قلب في داخله نفاق يظهر خلاف ما يبطن. فقوله قد كفرتم بعد إيمانكم أي الإيمان الذي كنتم تعاملون به بحكم الإسلام في الظاهر، فإن من أظهر لنا الإسلام عاملناه باسم الإسلام وإن أبطن النفاق فالحكم على الظاهر والله يتولى السرائر. لكل دي للشيخ حفظه الله تعالى Et certains savants ont dit non, ils sont croyants et la preuve de cela est qu'Allah leur a affirmé qu'ils faisaient partie des gens de foi, des croyants, et il a affirmé qu'ils ont mécru après la foi. Et vous allez voir que c'est l'avis de Shir al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, d'accord ? Et je dis, quand je dis je dis, c'est pas moi évidemment, c'est Shir Mohamed Bezmoul, hein, il dit, hafidhahullah, ce qui apparaît, c'est que ce groupe de gens, il y avait parmi eux des gens ayant une foi faible, iman da'if, le shir il a dit, et des gens de l'hypocrisie, al-nifaq. Et la foi qu'Allah leur a affirmée s'applique à la foi faible et à la foi en fonction de laquelle sont traités les gens de l'hypocrisie dans ce bas monde. Car celui qui nous montre en apparence la foi, et on avait déjà, vous voyez l'importance de suivre les cours, on avait déjà rapporté dans un cours de l'aqidah, c'est quoi la définition d'un munafiq ? C'est quoi la définition d'un hypocrite ? C'est que celui qui montre quoi ? L'islam, wa yubtinu al-kufr. C'est-à-dire qu'il montre l'islam de manière apparente, d'accord ? Mais il cache intérieurement quoi ? L'hypocrisie. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh, il dit « Et la foi qu'Allah leur a affirmée s'applique à la foi faible et à la foi en fonction de laquelle sont traités les gens de l'hypocrisie dans ce bas monde. Car celui qui nous montre en apparence la foi et nous cache intérieurement l'hypocrisie, nous le traitons de la manière dont les gens de foi sont traités. » Alors quelqu'un va peut-être dire « Mais c'est quoi ton dalil par rapport à ça? Pourquoi on doit les traiter de la même manière ?» On va le voir, Inch'Allah, vous connaissez certainement des preuves par rapport à ça, mais c'est que là, c'est qui l'exemple qu'on suit? C'est qui notre modèle? Le prophète, alayhi salatu wassalam. On va voir ça dans un instant, Inch'Allah. Et donc, nous mangeons de ce qu'il immole, hein, min dabihatihi, et nous le marions à nos filles, et il est enterré dans nos cimetières, et son affaire revient à Allah. Et c'est pour cela qu'Allah a dit à leur sujet qu'ils sont des gens de foi. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Le verset est donc dans son contexte. Et il y a dans le sens avec lequel ce verset est venu, ce qui soutient et renforce le fait que parmi ce groupe de gens, il y avait des gens de l'hypocrisie, c'est-à-dire des hypocrites. Sinon, la moquerie envers Allah et son messager, alayhi salatu wassalam, et son livre, n'aurait pas émané d'eux. Alors que dans leur cœur, il y aurait la base de la foi et la base de l'unicité. Mais au contraire, cela émane uniquement d'un cœur dans lequel il y a quoi ? Il a dit « fidakhilihi nifaq » dans lequel il y a intérieurement, dans l'intérieur duquel il y a quoi ? De l'hypocrisie. Qui montre en apparence « yudhiru khilafa ma yubtin » qui montre en apparence autre chose que ce qu'il cache intérieurement. Et donc sa parole dans la traduction du sens est « Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru », c'est-à-dire la foi en fonction de laquelle vous étiez traité en raison du jugement de l'islam en apparence. Car celui qui nous montre l'islam en apparence, on le traite en fonction du nom de l'islam. Et ce même s'il cache l'hypocrisie intérieurement. Car le jugement est sur ce qui est apparent et Allah se charge du fond des cœurs. D'accord ? Le Cheikh Mohammed Al-Wahhab, rahimahullah, il a une fameuse phrase qui dit « Nahkumu ala nas bi dhahir wa nakilu sara'ir ilallah » Cheikh Mohammed bin Al-Wahhab lui-même, rahimahullah, il disait une phrase qu'il connaît de lui, c'est que nous jugeons les gens en fonction de ce qui apparent d'eux et nous délaissons ce qui est dans le fond des cœurs, hein? Nous laissons cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous confions ce qu'il y a dans le fond des cœurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, un point important, la page suivante en arabe ici, c'est pour ça que c'est écrit en gras d'ailleurs, il dit le shaykh, وَهَذَا مَبْنِيٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى قَاعِدَةَ أَنَّ لِلدُّنْيَا أَحْكَامًا وَلِلْآخِرَةِ أَحْكَامًا وَخُصُوصًا فِي مَسَائِلِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَحْكَامِ فَأَهْلُ النِّفَاقِ كَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِفُهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ. Voilà, c'est ça le délit dont je parlais tout à l'heure. وَكَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسجد وأخبر خبرهم إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه حتى سمي حذيفة صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم أو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين ولم يعاملهم معاملة الكافرين تقريرا لهذا الأصل في أن من أظهر لنا الإسلام عاملناه بحكم الإسلام فكذا الآية قد كفرتم بعد إيمانكم أي إيمانكم الذي كنا نعاملكم به بحسب الظاهر الذي تظهرونه فليس في الآية أكثر من إثبات حكم الإيمان في الدنيا لا في الآخرة. Ça c'est une phrase importante, c'est pour ça qu'elle est écrite en gras ici dans le livre. Il dit le shir, et ceci se base sur la règle chez les gens de la sunna du consensus. Al-sunna al-jama'a, les gens de la vérité, le groupe sauvé, le groupe victorieux, les salafiyoun, les hadith, ils ont des règles. Ils ont des usuls, des fondements que les ulama tirent du Coran de la Sunna sur la compréhension des plus prédécesseurs, les sahaba radhiyallahu anhum. D'accord ? Et le cheikh, il dit, et ceci se base sur la règle chez les gens de la Sunna du consensus, qui est que le bas monde a des jugements. Et l'au-delà a des jugements. Et surtout en ce qui concerne les affaires liées au nom et au jugement. Retenez ce nom. Ce chapitre dans la religion qu'on appelle Asma ou Al-Ahkam. Pour les frères qui étaient à la Dora de Roubaix avec Cheikh Sahim et Cheikh Ramzan, Cheikh Ramzan il a insisté sur ce point-là, il a dit c'est un bab qui est dangereux, surtout pour les débutants. Bab l'Asma ou Al-Ahkam, le chapitre qui concerne les noms et les jugements. D'accord ? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam connaissait les gens de l'hypocrisie de manière spécifique. Il les connaissait de manière spécifique, un par un. D'accord ? Et il priait avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. Il a informé à leur sujet qui ? Quel compagnon ? Hudayfa ibn al-Yaman. Quand on l'a agréé, et en raison de cela, Hudayfa ibn al-Yaman, il a reçu un nom en fait. Il fut appelé d'une certaine manière. Sahibu sirri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le détenteur du secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour la petite histoire, Omar ibn al-Khattab, il a vu que Hudayfa ne s'est pas levé pour une janaza. D'accord ? Donc Omar ibn al-Khattab, il était chez Hudayfa. Il lui a dit, Anshuduka billah. En arabe, Anshuduka billah, ça veut dire As'aluka billah. Je te demande par Allah. Est-ce que moi je fais partie des hypocrites ? Il a dit, Omar, Mubashar bil Jannah, le paradis a été promis. Il demande à Hudayfa, il dit, je te demande par Allah. Hein, dis-moi, est-ce que moi je fais partie des hypocrites ? Il a dit, là. Hudayfa lui a dit, non. Il a dit, voilà, ubarri'u ghayraka ba'dak. Il a dit, j'innocenterai personne autre que toi après toi. D'accord ? Donc ici, c'est juste pour illustrer ce que je viens de dire, c'est que Hudayfa ibn al-Yaman, il était connu pour étant sahibu sirri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le détenteur du secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il l'a informé du nom des hypocrites. Et donc, le cheikh Ali Jarbazmou lui continue en disant, et malgré cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les traita de la manière avec laquelle sont traités les musulmans. De qui il parle ici ? Non. Il ne les a pas traités comme sont traités les mécréants. Et donc le verset est tel quel, la traduction du sens est, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. C'est-à-dire, votre foi en fonction de laquelle nous vous traitions, en fonction de ce que vous montriez en apparence. Il n'y a pas dans le verset plus que l'affirmation du jugement de la foi dans ce bas monde et pas dans l'au-delà. Et sa parole dans la traduction du sens est: si nous pardonnons à une partie des vôtres, وقوله تبارك وتعالى إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين في أنه كان معهم مؤمنون صادقون ضعاف الإيمان لأن الكفر لا يوفى عنه. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Donc Cheikh il dit, et sa parole, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction du sens est: si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Il y a dans ce verset qu'il y avait avec eux des croyants véridiques, qui étaient faibles dans leur foi, car la mécréance n'est pas pardonnée. Allah dit, c'est dans la traduction du sens est: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut, mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Surat Nisa, verset 48. Puis Cheikh Bezboul, il rapporte une parole d'Ibn Taymiyyah. Et je compte, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite, je compte faire bientôt une série de cours sur la vie de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et la vie de Cheikh al-Albani, notamment, rahimahullah. D'accord? C'est je vais tirer ça d'une conférence qu'il y a eu au Koweït, de mes chers, tels que Adil Mansour, Cheikh Adil Mansour Abou Abbas, que Cheikh Khalid Abdurrahman, si je me souviens bien, avec Cheikh Bramzan qui était présent aussi, avec Cheikh Ahmed Soubeyi, et chacun, pendant un certain nombre de minutes, ils ont parlé d'Ibn Taymiyyah. Et ils ont fait la même pour Cheikh Al-Albani. Rahmatullah al-Jami'a. Et d'ailleurs, dernièrement, ils ont fait un très, très bon dars sur Cheikh Al-Uthaymin et sa position envers les groupes innovés. Et hier, ils ont fait sur Cheikh Ben Baz. D'accord ? Ils ont rapporté des choses très, très importantes, leur manquif par rapport aux jeunes innovations, etc. Et Cheikh Ahmed Bezmoul, qui a participé à ce séminaire de Cheikh Al-Uthaymin, il a rapporté des histoires par rapport à Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et par rapport à Cheikh Al-Uthaymin. Il a cité notamment que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dans le haram, à la mosquée sacrée de la Mecque, après un matin, après un dars, il a distribué à ses élèves, comme cadeau, des cassettes de Cheikh Al-Albani. En leur distribuant, il leur disait, Muhaddithul Asr, Cheikh Mohamed Nasruddin Albani. Il leur disait, regarde, il donnait des cassettes, il leur disait, ça c'est le Muhaddith de cette époque, Cheikh Nasruddin Albani. Et c'est il a fait ça, Cheikh Al-Uthaymin, le 20e, regarde les chiffres, comment ils sont précis. Le 29e jour du ramadan de 1416 de l'Hégire. Cheikh Ahmed Bezmoun les rapporta avec la date précise, etc. Il rapporte notamment que Cheikh Al-Uthaymin a innocenté Cheikh Al-Albani, rahimahullah, par rapport à l'accusation d'Irja, que le Haddadi al-Tikfiri aime bien, avec laquelle ils aiment bien calomnier nos chuyours, à leur tête, Cheikh Al-Albani, Cheikh Rabi et d'autres. Alors, c'est important de revenir à ces mashiikhs-là. Une des fawa'id de revenir à ça, et Cheikh Adil Mansour, il a parlé en fait pourquoi ils ont songé sur Al-Uthaymin et pourquoi ils l'ont fait. Eh bien, une des favorites de ça, c'est de montrer que le mawqif de Cheikh Al-Uthaymin, que c'est un droit que ce savant il a sur nous. D'accord? Et qu'il y a des gens aussi qui essaient de montrer faussement que le manhaj de Cheikh Rabi' et de Mashir, tel que Cheikh Rabi', etc., n'est pas le même manhaj que Cheikh Al-Uthaymin. Faussement. D'accord? Alors, Koulihan, on revient au sujet du cours. Tout ça pourquoi? Pour dire qu'on va citer une parole d'Ibn Taymiyyah. Il y a dans la vie d'Ibn Taymiyyah, subhanallah, et des ulama en général, et dans la biographie, il y a des grands enseignements, sarahat, il y a une grande faïda à ça. Très très grande faïda à ça. Qala Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qad dhakaru anna al-ma'fu anhu huwa alladhi istama'a adahum wa lam yatakallam, wa huwa makhshi ibn Humayr huwa alladhi tiba alayh, wa amma alladhina takallamu bil adha, falam ya'fu an ahadin minhum. Yuhakiku hada anna al-afwa al-mutlaq innama huwa tarku al-mu'akhadati bil-dhamb. وإن لم يتب صاحبه فقوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم سورة آل عمران والكفر لا يعفى عنه فعلم أن الطائفة المعفو عنها كانت عاصية لا كافرة إما بسماع الكفر دون إنكاره والجلوس مع الذين يخوضون في آيات الله أو بكلام هو ذنب وليس هو كفرا أو غير ذلك وعلى هذا فتكون الآية دالة على أنه لا بد من تعذيب أولئك المستهزئين وهو دليل على أنه لا توبة لهم لأنهم من أخبر الله بأنه يعذب وهو معين امتنع أن يتوب توبة تمنع العذاب انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله من الصارم المسلول شيخ الإسلام ابن تيمية ce grand savant de la communauté رحمه الله تعالى قال لفاس من جنكورد il a dit. Ils ont dit que celui qui fut pardonné et celui qui a entendu leur mal mais n'a pas parlé. Et c'est Makhshi ibn Humayr. C'est lui qui fut pardonné. Quant à ceux qui ont dit le mal, aucun d'entre eux n'a été pardonné. D'accord ? Et cela est prouvé par le fait où il n'a pardonné à aucun d'entre eux. Et cela a été éprouvé par le fait que le pardon absolu, l'afou al-mutlaq, est uniquement le délaissement du châtiment en raison du péché. Et ce même si celui qui l'a commis ne s'en est pas quoi ? Repenti. Comme la parole d'Allah dans la traduction du sens est, ceux d'entre vous qui ont tourné le dos le jour où les deux armées se rencontrèrent, c'est seulement le diable qui les a fait broncher à cause d'une partie de leurs mauvaises actions. Mais certes, Allah leur a pardonné. Sourate Ali Imran, verset 155. Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, on est toujours dans sa parole ici, il continue en disant, et la mécréance n'est pas pardonnée. Et donc on sait que ceux auxquels cela a été pardonné étaient comment ? Désobéissants et pas mécréants. Soit en entendant la mécréance sans la réprouver, et en s'asseyant avec ceux qui pataugent au sujet des versets d'Allah, c'est-à-dire on va rapporter des versets, et ça c'est l'importance de faire attention dans les majalis dans lesquels on se trouve. Et les gens avec qu'on fréquente. Et les versets qu'il va citer plus loin, le Cheikh, Cheikh Mohamed Bezmoul, c'est les versets que le ulama cite souvent dans le Walal Bara et dans le fait de boycotter les gens du faux. Et le salafi, il est tel quel. Il ne s'assoit pas avec n'importe qui. Et quand des assises, hein, où il y a des paroles de couvre, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là, hein? On doit réprouver ça. Et si on ne sait pas réprouver ça, on ne sait pas changer, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit quitter le majlis. On doit quitter le majlis. De même manière, quand il y a des bida'a et des choubouhats, hein, et de la hizbiya qui était établie, etc., d'accord, ou de l'insulte envers les ulama, etc., la même manière. Si tu peux réprouver cela, le mal, tu réprouves le mal, sinon qu'est-ce que tu fais? Tu pars. Donc qu'est-ce que le cheikh a dit ici? Il a dit, et donc on sait que ceux auxquels cela a été pardonné étaient désobéissants et pas mécréants, soit en entendant la mécréance sans la réprouver, et en s'asseyant avec ceux qui pataugent au sujet des versets d'Allah, ou en raison d'une parole qui est un péché, mais n'est pas une mécréance ou autre. Et donc en se basant sur cela, le verset indique que ces railleurs doivent obligatoirement être châtiés, et c'est une preuve qu'ils n'ont pas de repentir. Car ils sont ceux au sujet desquels Allah a informé qu'ils seront châtiés. De manière comment? Il a dit comment? De manière spécifique. Et donc, ils ne peuvent se repentir d'un repentir qui empêche le châtiment. Comprenez ça ou pas? Comprenez cette phrase? Je la répète. Je répète. Et c'est une preuve qu'ils n'ont pas de repentir, car ils sont ceux au sujet desquels Allah a informé qu'ils seront châtiés de manière spécifique. Et donc, ils ne peuvent se repentir d'un repentir qui empêche le châtiment. Parce qu'Allah nous a informé qu'il allait, hein, de manière comment il a dit, ici le cheikh, spécifique. Fin de citation de As-Sarim al-Masloul du Mintaymiya, volume 1, page 462. Le cheikh dit, et cela se cite en fonction d'une des manières d'expliquer le verset. Et l'autre manière d'expliquer le verset, anna qawlahu, إنعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين في المنافقين الذين تابوا قبل أن يظهر عليهم وعلى هذا فإن الآية تكون في قوم المنافقين فقط. Et avec ça, on aura fini le cinquième point. L'autre manière d'expliquer ce verset est que sa parole, subhanahu wa ta'ala, dans la traduction du sens est, si nous pardonnons, vous voyez de quoi on parle ici? Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Est au sujet des hypocrites qui se sont repentis avant que cela ne soit apparent sur eux. Et donc en se basant sur cela, le verset est uniquement au sujet de gens qui sont comment? Hypocrites. Sixième point, parmi les points à tirer de l'explication de ce sixième annulatif. Al-mas'alatu as-sadisa. وجه الخطاب في الآية بالجمع. C'est à ça que j'ai fait référence tout à l'heure, qu'on a dit لا تعتذروا وجاء إنما كنا نخوض ونلعب مع أن الذي صدر منه هذا الكلام كما جاء في سبب النزول واحد مع مجموعة من الرفقة وذلك لأن حكم الذي يجلس مع مثل هؤلاء وهو يسمع كلامهم وما يخوضون فيه دون أن ينكر عليهم أو يفارقهم حكمه حكمهم فصار الفعل برضاه عنه وعدم إنكاره وجلوسه معهم كأنه أو وجلوس معهم كأنه صادر منهم جميعا. وفي هذا دلالة أن من جلس في مجلس يكفر فيه بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويستهزأ فيها بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي بذلك وسكت أن حكمه حكمهم، وإلا فإن المؤمن لا يرضى بذلك. Sixième point, la parole dans le verset est un pluriel. Encore une fois, l'importance de la langue arabe. La ta'tadiru. D'accord ? Ici, c'est une formule qui est une formulation qui est comment en arabe ? C'est du pluriel. Comment voici ici dans le mot en arabe ici ? La ta'tadiru. C'est waou al-jama'a ici, c'est-à-dire le waou du pluriel. La ta'tadiru. La parole dans le verset est un pluriel. Ne vous excusez pas. Et ce dont la traduction des sens est vraiment, nous ne faisons que bavarder jouer. إنما كنا نخوض ونلعب. Ici aussi, il y a une indication du code du pluriel. Comment ? نعم. D'accord ? Alors que celui de qui a émané cette parole, comme cela a été rapporté dans la raison pour laquelle les versets furent descendus, ce qu'on a eu les appelle Sebab al-Nuzul. D'accord ? D'ailleurs, Cheikh Maqoubid, il a un livre qui s'appelle Al-Musnad al-Sahih, min Asbab al-Nuzul, un titre qui va dans ce sens-là, et qui, en fait, il a regroupé des chaînes de transmission que lui a jugé authentiques par rapport aux raisons pour lesquelles des versets ont été révélés. D'accord ? Très bien en français, ça. Très bien. Complètement en français. Alhamdulillah, tant mieux. À mon avis, ça va pas dû être facile à traduire, mais parce qu'il y a beaucoup de chaînes de transmission, etc. Mais, hein ? Ils l'ont traduit complètement. Ils ont juste traduit le. Ils n'ont pas mis les chaînes. Voilà, alhamdulillah, c'est en français pour les frères qui ne comprennent pas la langue arabe, etc. Ils peuvent revenir à ce livre-là. Comment ils ont traduit le titre en français ? À cause de la révélation. C'est ça, les hadiths authentiques relatifs à la révélation. D'accord, barakallahu fik. On continue cette parole ici. Je répète cette phrase pour que ce soit clair. Alors que celui de qui a émané cette parole, comme cela a été rapporté dans la raison pour laquelle les versets furent descendus, était une personne au sein d'un groupe de compagnons de voyage. D'accord ? Et ça, on va voir plus, Inch'Allah, dans ce que j'ai dit de Sabn Nuzul que Charles Fouazan l'a rapporté. Hafidahullah ta'ala. Et cela car le jugement de celui qui s'assoit avec des gens comme cela et entend leurs paroles, et ceux au sujet duquel il patauge sans leur faire de reproches ou sans les quitter, son jugement est leur jugement. Et donc l'action est devenue en raison de son agrément. De cela et du fait qu'il n'ait pas fait de reproches. Et le fait qu'il soit assis avec eux est que c'est comme si cela avait émané de tous ensemble. Et il y a en cela l'indication que celui qui s'assoit dans une assise dans laquelle on mécroit en Allah et en son messager, alayhi salatu wassalam, et dans laquelle on se moque d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et que lui agrée cela et se tait, alors son jugement est leur jugement. Car le croyant n'agrée pas cela. À la fin, il a dit Al-mu'min la yarda bidhalik. On tourne la page ici en arabe et on continue. قال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا سورة النساء. وقال تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين سورة الأنعام. Le cheikh ici continue son explication de ce sixième annulatif et du sixième point relatif à l'explication de cet annulatif en disant Allah dit ce dont la traduction du sens est « Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets, le Coran, d'Allah, et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. » Surat Nisa, verset 140. Et Allah dit ce dont la traduction du sens est « Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Sourate Al-An'am, verset 68. Septième point, dernier point de cette explication du sixième annulatif. المسألة السابعة سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين والاستهزاء بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالدين أو السخرية بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أو بالدين لا يعذر المرء بفعله إلا في حال واحد وهو الإكراه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم من سورة النحل فلم يعذر الله إلا المكره فالذي يسب الله ساخرا والذي يسب الله جادا والذي يسب الله هازئا والذي يسب الله لاعبا والذي يسب الله قاصدا للسب غير قاصد للكفر كل هؤلاء يكفرون كفرا مخرجا من الملة إلا المكره لأن السب يتنافى مع أصل الإيمان ومع أصل التوحيد ولا يعذر فيه المرء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يعذر بقوله أنا كنت هازلا أنا كنت لاعبا أنا كنت لاهيا أنا ما أقصد أنا ما أعرف أن هذا كفر لأن سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه والاستهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدينه والسخرية بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدينه من صفات الكافرين يقول الله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين من سورة المطففين فالسخرية والاستهزاء بالمؤمنين من صفات الكافرين وسب الله تعالى من أفعال الكافرين قال تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون من سورة الأنعام بالشيخ الدي نعم يعذر الذي لا يدري ما يصدر منه والجاهل والمخطئ septième point tiré de cette sixième annulatif de l'islam ou de l'explication de ce sixième annulatif de l'islam. Insulter Allah, qu'Allah nous en préserve, et insulter les... Vous rappelez, pour les frères qui n'étaient pas là, ils ont toutes les notes en écrit sur notre site svbirmingham.com, ils ont les audios, mais dans l'introduction qui était vraiment très importante, il y a 15 règles dans le tekfir, vous vous souvenez. Mais aussi, avant ça, on a rappelé le mot nawaqid, d'où il vient dans la langue arabe. Et on avait dit que nawaqid, c'est ce qui annule complètement quoi, l'islam de quelqu'un. D'accord ? Et on a vu que Charles Darzak, il fait la différence, et d'autres machins, entre nawaqid et nawaqis. Il y a une lettre de différence, mais le hukm est différent. C'est-à-dire qu'il y a les choses qui annulent complètement l'islam, et il y a les choses qui diminuent l'islam de quelqu'un, diminuent la foi de quelqu'un. D'accord ? Pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'on a rapporté aussi l'importance d'étudier ce genre de notion-ci, de sujet-ci. Et bien, c'est quand même très important, c'est de préserver le kufr. C'est de se préserver le kufr et de préserver notre foi. De se préserver pour ne pas tomber dans le kufr et de préserver notre foi. D'accord ? Et regardez, c'est des choses très graves. Le cheikh, il a dit ici, insulter Allah et insulter le messager. Et donc, il ne faut pas se sentir à l'abri. Il faut demander à Allah Azzel qu'il nous préserve de tomber dans ce genre de choses-là. Insulter Allah et insulter le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et insulter la religion, se moquer d'Allah, ou de son messager, alayhi salatu wa sallam, ou de la religion, ou railler Allah, ou son messager, ou la religion, ou son messager, alayhi salatu wa sallam, ou la religion, celui qui commet cela n'est excusé que dans un seul cas, qui est la contrainte. D'accord ? Ce qu'on appelle ikra. D'accord ? Inch'Allah, rappelez-moi, ce sera dans un des cours prochains, parce que c'est important, c'est quoi d'abit l'ikra ? Cheikh Mohamed Ramzan, il a rapporté ça d'une belle manière, très très simple, parce que c'est pas toute chose que nous considérons comme ikra, que c'est nécessairement un ikra, une contrainte. D'accord ? Donc, Cheikh, c'est important de revenir, d'être précis par rapport aux paroles des ulama là-dessus, hein, et d'avoir ce qu'on appelle un d'abit, une règle, dans c'est quoi l'ikra ? Et c'est qui est considéré comme quelqu'un qui est mokra et qui donc est excusé ou pas. D'accord ? Rappelez-moi ça, Inch'Allah, ça va ? Donc on a dit ici, Allah dit dans la traduction du sens, « Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sincérité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur une colère d'Allah, ils ont un châtiment terrible. Et rappelez-moi aussi par la même occasion de vous rappeler ou de vous citer qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce verset, d'accord ? Et l'histoire qui est liée à ce verset, d'accord ? Comme un exemple par rapport à ça. Surat Nahl, verset 106. Allah n'a donc excusé que celui qui est comment ? Qui est ce qu'on appelle en arabe mukrah. On a vu que l'ikrah, c'est ce qu'on appelle un des mawa ni'a dans le tekfir. C'est un des empêchements, une des barrières qui empêche de poser un jugement de tekfir sur un individu spécifique. Et cette notion de spécifique, tekfir mu'ayn et tekfir mutlaq, tekfir d'une personne spécifique ou tekfir dans l'absolu, on va y revenir, on en a déjà parlé en long et en large, mais on va y revenir dans la fatwa de Mohammed Ibrahim qui lui-même va parler de cela, inshallah. Je continue, Allah n'a donc excusé que celui qui est contraint. Et donc celui qui insulte Allah en se raillant, et celui qui insulte Allah en étant sérieux, ou celui qui insulte Allah en se moquant, ou celui qui insulte Allah en jouant, et celui qui insulte Allah en ayant l'intention d'insulter, mais pas en ayant l'intention de la mécréance. Vous vous rappelez ce qu'on a dit le cours précédent ? Hein ? Faut pas croire que c'est une condition qu'il est quoi ? Qu'il sache que c'est une mécréance pour qu'il soit considéré comme un mécréant. Non, non, non. Ça, c'est pas une condition. Le cheikh, qu'est-ce qu'il avait dit la semaine passée ? Il avait dit une phrase. Wahada la dalila. Allez, et ça, il n'y a pas de preuve là-dessus. Non, vous vous souvenez de ça ? Il avait dit quoi ? Qu'il suffit qu'il sache que c'est interdit. D'accord ? Écoutez la phrase, vous allez voir le danger de ça. Le cheikh, il dit ici : et celui qui insulte Allah en ayant l'intention d'insulter, mais pas en ayant l'intention de la mécréance. Tout cela, le cheikh, il a dit, tout cela mécroit d'une mécréance. Quelle mécréance ? Vous pouvez terminer la phrase. Il mécroit d'une mécréance qui les fait sortir de la religion, à l'exception faite de celui qui est contraint. De celui qui est contraint. Et c'est quelque chose que, dans certains pays du Maghreb, mais peut-être d'autres pays, on retrouve l'adou billah. D'où l'importance de maîtriser ce genre de sujet et de répandre ça dans nos entourages et aux gens. Et que l'on entend ça à quelqu'un, on lui reproche, on le blâme à ce niveau-là, on lui montre l'adila, on lui montre la gravité de ce qu'il est en train de dire. Hein? Au Maghreb, par exemple, chez nous, au Maroc, etc., on entend des fois des gens qui insultent Rabb, subhanahu wa ta'ala, et qui insultent Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Hein? Et que c'est même dans certains quartiers, dans certains types d'individus, c'est devenu quelque chose de courant, qu'on peut entendre beaucoup. Hein? Donc, de montrer la gravité de cela, de leur citer les versets, de leur montrer que c'est un des annulatifs de l'islam. L'importance de nasiha, l'importance de l'inkar, l'importance de l'amour bil ma'ruf an al munkar. Le cheikh, il continue en disant, car l'insulte s'oppose à la base de la foi. Et avec la base de l'unicité. Et n'est excusé à ce sujet que l'individu qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi, et donc il n'est pas excusé par sa parole, qu'il dise par exemple, je plaisantais, moi je jouais, moi j'étais inattentif, moi je n'ai pas l'intention de, moi je ne sais pas que c'est de la mécréance. Car insulter Allah et son messager, alayhi salatu wassalam, et sa religion, et se moquer d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de son messager, sallallahu alayhi wasallam, et de sa religion, et railler Allah et son messager, sallallahu alayhi wasallam, et sa religion, fait partie des caractéristiques des hypocrites. Allah dit ce dont la traduction du sens est, les criminels riaient de ceux qui croyaient, et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades, et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant, et les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Et c'est surat al-Mutaffifin, verset 29 à 33. Le cheikh, il dit donc, la raillerie et la moquerie envers les croyants font partie des caractéristiques des hypocrites. Et insulter Allah, le Très-Haut, fait partie des actions des mécréants. Allah dit, selon la traduction du sens est, n'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. De même, nous avons enjolivé aux yeux de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour et les informera de ce qu'ils œuvraient. Surat Al-An'am, verset 108. Et vous voyez qu'en islam, l'islam il est venu avec le comportement parfait. Et qu'on fait attention à ce qu'on dit. Quand vous retournez par exemple à certains hadiths dans l'Adab Mufrad de l'imam Bukhari, vous voyez qu'il y a une interdiction. Il y a des hadiths par exemple sur celui qui maudit ses propres parents. Comment tu maudis tes propres parents ? C'est que quoi ? Voilà que tu fais cela avec les parents de quelqu'un d'autre et lui en réaction, qu'est-ce qu'il fait ? Il le fait avec tes propres parents. D'accord ? Donc vous voyez, l'islam il est venu subhanallah avec les comportements parfaits. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il réforme nos comportements. Puis cherche, donc ici c'était le verset de Surah Al-An'am 108, puis il dit: oui, sont excusés celui qui ne sait pas ce qui émane de lui et l'ignorant. Je répète, sont excusés celui qui ne sait pas ce qui émane de lui et l'ignorant, et celui dont cela émane par erreur, al-murti. Et le mufti, maintenant on va lire les fatawas, les fameuses fatawas dont je vous ai parlé. Inch'Allah, il est possible que si on a le temps, parce que je voudrais vraiment terminer les annulatifs, et le septième il est assez long, tout ce qui touche le sihr, l'explication elle est vraiment assez longue. Peut-être qu'on rapportera les paroles de Cheikh Al-Albani, parce qu'on sait vraiment, elles sont vraiment importantes, et elles recadrent bien la chose, et elles expliquent bien en fait ce que veut dire Cheikh Mohammed Ibrahim, rahmatullah al-jami'a. وقد سئل مفتي البلاد السعودية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عن حالة بعض الشباب من تلاميذ المدارس وأنهم يسمون علم التوحيد علم التوحيش ويسمون علم الفقه علم حزاوي العجائز الحزاوي هو الكلام كلام العجائز وحكمهم فأجاب لا شك أن مثل هؤلاء متجنون على الشريعة الإسلامية وعلومها وهذا مما يدل على أن استخفافهم بالدين وجرأتهم وعلى استخفافهم بالدين وجرأتهم على رب العالمين ومن أطلق هذه المقالة على علم التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب هو يعلم معناها فلا شك أنه مرتد لكن ينبغي معرفة الفرق بين الحكم على الشخص بعينه بالكفر وبين أن يقال من فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا فهو كافر لأن الشخص المعين لا بد من إثبات صدورها منه باختياره وكونه مكلفا بالغا عاقلا ومن أطلق هذه المقالة على علم الفقه فهو مخطئ ومتجنن على علوم الشريعة لكن لا يبلغ به الحكم عليه بالردة وعلى كل فيتعين تعزير كل من يصدر منه مثل هذه الألفاظ البشعة فإن كانوا من الأطفال والسفهاء فهذا أخف وإن كانوا كبارا عقلاء فهذا أغلظ والعياذ بالله والحقيقة إن هذا مما يستغرب وقوعه لا سيما من طلاب المدارس الذين يتلقون هذه العلوم في مدارسهم وهي من أهم مقرراتهم ولا شك أن هذا لا يرضي معالي وزير المعارف ولا من المسؤولين في الوزارة بل ولا يرضي كل مسلمين انتهى كلام Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim, rahmatullah alayh. On va traduire déjà cette première question, cette première réponse. Et le mufti de l'Arabie Saoudite, son éminence, Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim Ali Cheikh, qui était le mufti, maintenant c'est qui? C'est Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh, hafidahullah ta'ala, qui est toujours vivant, qui est toujours mufti maintenant. Avant lui c'était qui? Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh. Et avant lui c'était son Cheikh, le Cheikh Ibn Baz, qui était Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim alayhi rahmatullah. Car il fasse miséricorde, il fut questionné au sujet de la situation de certains jeunes parmi les élèves d'école qui appellent ilm al-tawhid, ilm al-tawhish, et qui appellent la science du fiqh ilm hazaw al-ajaiz, c'est-à-dire la science des paroles des vieilles femmes. D'accord ? Il répondit, le mufti, par rapport à ce genre de paroles-là, il n'y a aucun doute que ceux-là ont faussement accusé la législation islamique et ses sciences, et ceci indique leur mésestime de la religion. Et leur effronterie envers le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui dit cela au sujet de la science de l'unicité, ilm al-tawhid, avec laquelle Allah a envoyé les messagers, alayhi salatu wassalam, et révélé les livres, et qu'il en connaît le sens, alors il n'y a aucun doute que c'est un apostat, un murtad. Mais il convient de connaître la différence entre le jugement de mécréance sur une personne spécifique, et qu'il soit dit, quiconque fait telle ou telle chose, ou dit telle ou telle chose, est un mécréant. Car il faut absolument, au sujet de la personne spécifique, établir que cela a émané d'elle de son propre choix. Et qu'elle soit responsable de ses actes. Et pubère. Et qu'elle possède quoi, toute sa raison. Et celui qui a dit cette parole au sujet de la science du fiqh est en erreur et a accusé faussement les sciences de la législation, mais il n'arrive pas en raison de cela au degré qu'il soit jugé comme étant apostat. Quoi qu'il en soit, il est obligatoire de punir toute personne de qui émanerait ce genre de parole laide. Et s'ils font partie des enfants et des sots, ce qu'on appelle soufaha, cela est moins grave. Et s'ils sont grands et ont toutes leurs raisons, cela est plus grave. Et c'est auprès d'Allah seul que nous cherchons refuge. Et la vérité est que cela fait partie des choses au sujet desquelles on s'étonne qu'elles aient lieu et surtout de la part d'étudiants des écoles qui apprennent ces sciences dans leurs écoles et qui font partie des sujets les plus importants dans leur programme scolaire. Et il n'y a aucun doute que cela ne fait pas plaisir à son éminence le ministre de l'éducation nationale en Arabie Saoudite, on parle d'Arabie ici, hein, ni aux responsables au sein du ministère, mais de plus cela ne fait plaisir à aucun musulman. Fin de citation. Puis le mufti, une autre question lui fut posée. وسئل عن الذي يبغض اللحية ويقول وساخة هل هو مرتد؟ Donc la question, ou le mufti fut questionné de la manière suivante au sujet de celui qui déteste la barbe et l'appelle saleté. Est-il apostat? فأجاب تقريرا فيه تأمل إن كان يعلم أنه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا استهزاء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيجري أن يحكم عليه بذلك. انتهى كلامه رحمه الله. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Il répondit en établissant, taqriran, de manière décisive, qu'il y a réflexion en la matière. S'il sait que c'est rapporté de manière établie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cela est alors une moquerie envers ceux avec lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et donc il est jugé en fonction de cela. Fin de citation. Et pour la première fatwa, je ne vous avais pas donné la référence, hein. C'est volume 12, page 178. Il se passe dans mon jumel fatwa que j'ai à la maison, c'est pas les mêmes pages. Donc il faut toujours faire attention à ça de dire, ah non, il est, hein, Cheikh Bouazmoulé, il ment sur le shir. Là, c'est une autre pagination, c'est tout. D'accord? Si tu retournes au glossaire, tu vas retrouver la fatwa très, très facilement. Et si je me souviens bien, même dans la mienne, elle est dans le volume 12 aussi. Mais pas aux mêmes pages. Donc celle-ci, c'est volume 12, page 178. Et la suivante que je viens de lire, c'est le même volume, pas, volume 12, page 179. Puis ensuite, وقال رحمه الله تقريرا كفر الهازل. J'ai terminé de traduire, hein, sur la barbe. وقال رحمه الله تقريرا كفر الهازل معلوم كما في آية براءة فإن الهزل بالقرآن ولو هو يتعير بلغة العامة أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بذكر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى في عيارته وهزله لما فيه من التهاون بالله. ثم يتبع هذا المستهزئ بأهل الخير أو يتبع هذا المستهزئ بأهل الخير والطاعة والعلم. وبعض أهل العلم ذكر ثم يتبع هذا المستهزئ بأهل الخير والطاعة والعلم وبعض أهل العلم ذكر أنه يكون ردة إذا كان هذا ديدنه. أما كونه من أعظم العظائم ومن آية النفاق فظاهر. أما الذي يستهزئ بأهل الدين وحملة الدين والشريعة لعارض من العوارض أغراض شخصية وهذا يفعله مع واحد أو اثنين فهذا أهون. ولكن من الناس من ديدنه تتبع أهل العلم لقيهم أو لم يلقهم مثل قوله المطاوعة كذا وكذا. Vous entendez souvent ça, on dit le mutawa, c'est quand il voit quelqu'un qui a, hein, une barbe et qui pratique, il l'appelle mutawa, il y a quelqu'un qui, hein, qui fait beaucoup d'obéissance, il y a quelqu'un qui est pratiquant, quoi. هذا يخشى أن يكون مرتدا ولا ينقم عليهم إلا أنهم أهل الطاعة. أما إذا كان مع شخص أو أشخاص فهذا لا ينبغي لكنه أهون من ذلك. انتهى كلام العلامة المفتي محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه. Et il dit qu'Allah lui fasse miséricorde en établissant la mécréance du railleur est connue, comme cela a été rapporté dans le verset de Surat Bara'a. Surat Bara'a, on l'a déjà dit, c'est un des noms de Surat Tawbah. Pourquoi c'était aussi appelé Surat Bara'a? Parce que la Surat, elle commence par Bara'a. Hein? Bara'atun minal. Wa. Ewa. Ewa. D'ailleurs, cette surat, elle commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est la seule qui commence pas ou pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est la seule ou pas? Qui sait pourquoi? Je l'avais déjà dit dans un dars. Sifat Salah, on avait dit ça. Il y a plusieurs explications. Revenez notamment à l'explication de cette surat-là, l'exégèse de cette surat-là de Mohamed Amin Shinqiti dans Adwa al-Bayan. D'accord? Il est ici dans la mosquée, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas à la maison. Continue sur le Bara'a, c'est un des noms de surat Tawba, car rayer le Coran, et ce même s'il plaisante ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou en citant l'un des noms d'Allah dans sa plaisanterie en raison de ce que cela comporte en termes de mépris envers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis suit celui-ci, celui qui se moque des gens du bien, al-khair, et de l'obéissance, al-ta'a, et de science, al-ilm, et certains gens de science ont dit que c'est une apostasie si cela est son habitude, d'aidanuhu. Quant au fait que cela fasse partie des choses les plus graves et des signes de l'hypocrisie, cela est apparent. quant à celui qui se moque des gens de religion et de ceux qui portent la religion et la législation en raison d'un événement parmi les événements, de but personnel, et qu'il le fasse avec une personne ou deux, cela est moins grave. Mais il y a parmi les gens celui dont cela est l'habitude de poursuivre les gens de science, qu'ils aient rencontrés ou pas, comme de dire les pratiquants sont ceci ou cela. On a peur au sujet de celui-ci qu'ils soient apostats. Et ne leur fait des reproches qu'en raison du fait qu'ils sont des gens qui obéissent à Allah. Mais si cela est envers une personne ou quelques personnes, cela ne convient pas, mais c'est moins grave. Fin de citation de l'allama Mohammed ibn Ibrahim Ali Sheikh, l'ancien mufti d'Arabie Saoudite, rahmatullah alayh, dans son Majmu' al-Fatawa al-Rasa'il, volume 12, page 179. Donc toutes les fatawas qu'on a citées ici, et c'est-à-dire les fatawas qui ont été lues à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, elles sont tirées toutes du volume 12, entre la page 178 et la page 179, évidemment l'édition que le Cheikh lui-même a ici. Il nous reste maintenant à voir une chose. Et alhamdoulilah, on a fini le 6e annulatif. Il nous reste le 7e, 8e, 9e, 10e. On aura fini le livre, inshallah. Et le 7e, c'est sur le sihr. D'accord ? Et l'explication, elle est quand même assez longue de Cheikh Bezoul, puisqu'il rapporte différents types de sihr. Ici, je suis déjà arrivé à 8, ici dans les pages, à la Koulihal, à 8 types de sihr. Donc, il y a. En arabe, ici, il y a presque 20 pages, hein, en arabe, juste sur le sihr. Donc, ça nous prend, rien que sur le sihr, ça risque de nous prendre quelques cours, Inch'Allah. Mais c'est important aussi, surtout que c'est quelque chose de répondre dans certains de nos pays, notamment au Maghreb. Allahu musta'an. Il reste à nous voir une chose, c'est la raison pour laquelle, le verset de Sourate quoi ? De Sourate Bara'a, surat Tawbah, a été révélé. On va voir dans l'explication de Nawakhid l'Islam de Cheikh Al-Fawzan. Moi j'ai l'édition ici qui est une bonne édition de Maktabat Rushd ici, et c'est page 128. Il dit, Hafidhahullah, Cheikh Al-Fawzan, وهذه الآية, il fait référence à quel verset ? قل أبالله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Il dit, هذه الآية الكريمة جاء في سبب نزولها أن جماعة من المسلمين كانوا غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاجتمعوا في مجلس فتكلم واحد منهم فقال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وكان في المجلس شاب من الأنصار يقال له عوف بن مالك فقال لهذا الرجل كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام ذاهبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد أن الوحي سبقه ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره الله جل وعلا بما قاله هؤلاء في مجلسهم أو قاله واحد منهم والباقية لم ينكروا عليه. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit que ce noble verset, il était rapporté en ce qui concerne la raison pour laquelle il était révélé, qu'un groupe de musulmans était rouzatan, c'est-à-dire que des gens qui sont en ghazwa. Vous vous rappelez, dans un des cours, j'avais rapporté la différence entre ghazwa et seriya. Qui s'en rappelle ? Les frères qui sont ici depuis pas longtemps, ils sont excusés, mais. Hein ? Comment tu l'appelles celle-là ? Et quand il envoie ? Hassan, t'étais là au cours ? Tu écoutais un dars ? J'avais lu. Hassan. Parce que je sais que tu n'étais pas là. Je sais qu'il vient en cours. À la Koulihan. On a dit Ghazwatan ma'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils étaient quoi en ghazwa. Quel ghazwa ? Retenez ça, Inch'Allah. Essayez de retenir au moins les mots-clés, les termes clés. La ghazwa de Tabouk. La ghazwa de Tabouk. L'expédition en français. Ils vont traduire ça par expédition. Vous voyez que toujours, les termes en français, ils ne peuvent pas nécessairement toujours représenter le bon terme en arabe. Parce que Sariya va le traduire par expédition, et le Razot va le traduire par expédition. D'accord ? Il y a l'importance, et quoi, on dit toujours que les durus qu'on fait en français, c'est des béquilles. Comme il dit Hassan Abou Asma, notre frère Abdallah, il dit que c'est juste des béquilles, mais tu vas apprendre à marcher un jour ou l'autre. D'accord ? C'est-à-dire quoi ? Tu vas apprendre l'arabe pour pouvoir prendre directement des ulama, etc. D'accord ? Il dit Fajtamaouf, imaginez-y une fatakala mouahidoun. Donc ils sont regroupés dans une assise, il y en a un entre eux qui a dit. Nous n'avons pas vu de similaire à ces lecteurs-ci. Et vous allez voir qu'après, à qui fait référence ? Au prophète, alayhi salatu salam, et à ses compagnons. Plus vorace, hein, plus gourmand. D'accord ? Wala akdiba al-sunan. Et plus menteur. D'accord ? Wala ajbana inda al-liqa. Et plus poltron, plus peureux lors de la rencontre de l'ennemi. Et qui ? Il dit ya'nouna. Il voulait dire par cela qui ? Il visait par cela qui ? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Radiallahu anhum, qu'Allah les agrée tous. Wa kana fi majlisin, fil majlisi, et dans cette assise-là, il y avait un jeune. Regardez, subhanallah, un jeune parmi les Ansar. Il est appelé, il est nommé Auf ibn Malik. Donc si on a plusieurs références, c'était quel verset ? Le verset de Surat Tauba. Sabab al-Nuzul, c'est quoi ? Dans quel ghazwa ? Ghazwa Tabouk. Il y avait quoi ? Un groupe de gens, d'accord ? Ils ont dit certaines paroles au sujet du prophète, alayhi salatu wassalam, vous les avez entendues ces paroles-là, et de ses compagnons, d'accord ? Il y avait dans cette assise-là quelqu'un qui s'appelle, un jeune parmi les Ansar qui s'appelle Auf ibn Malik, retenez le nom, Auf ibn Malik, Auf ibn Malik. فقال لهذا الرجل عوف بن مالك سجن بعض الأنصار إلى دي علم إلى دي تُمَنْتِي مَتْجَزَنِي بُكْرِيتَ إلى دي سَرْتْ لا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم je vais certes informer du messager le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم de ce que tu as dit d'accord فقام ذاهبا il s'est donc levé regardez hein regardez le موقف et c'est un enseignement ça pour nous regardez le موقف il s'est levé il est parti pour aller prévenir le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم فوجد أن الوحي سبقه. Il a trouvé que la révélation l'avait précédé. D'accord? ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. Et le verset est descendu au prophète عليه الصلاة والسلام. فأخبره الله عز وجل بما قاله هؤلاء في مجلسهم. Et Allah عز وجل avait informé le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم de ce que cela avait dit dans leur assise. او قال واحد منهم ou qu'un d'entre eux l'ait dit. Vous vous rappelez ce qu'elle dit tout à l'heure? Et les restes ne l'ont pas fait de reproches. Et lorsque cela a été révélé au messager d'Allah, il s'est déplacé de son endroit, il est monté sur sa monture. Lorsque cette horrible parole, cette vilaine parole lui est parvenue. فجاءه هذا الرجل الذي تكلم يعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم. Donc cet homme qui avait dit ces paroles, il est venu comment يعتذر. Comprenez le verset لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc il est venu en termes d'اعتذار, il est venu يعتذر, il est venu s'excuser auprès du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. ويقول يا رسول الله en disant au messager d'Allah إنما كنا نخوض ونلعب. Le verset, il dit quoi ? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Nous ne faisions que nakhudu, bavarder et jouer, plaisanter. Natahaddathu hadith al-rakb, naqta'u bihi 'an at-tariq. On parlait de la même manière que ceux qui sont en voyage, hein, en groupe, en voyage, etc. Ils parlent afin de que la route soit moins longue. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه. Le messager de l'Allah صلى الله عليه وسلم ne se tournait pas vers lui. Le mulbel était sur sa monture عليه الصلاة والسلام. لا يلتفت إليه عليه الصلاة والسلام وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors que celui qui était venu s'excuser, il était accroché à la bride ou à la sangle de la chamelle du prophète عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه. Le messager de l'Allah صلى الله عليه وسلم ne regardait pas. Ne se dirigez pas vers lui, ne dirigez pas le regard vers lui. D'accord ? Vous ne se tournez pas, hein, plutôt en français ici, ne se tournez pas vers lui. وَلَا يَزِيدُ عَلَى قِرَاءَةِ الْآيَةِ. Et le messager de l'Allah ne rajoutait rien d'autre que le verset. Il ne faisait que dire que le verset, sans rajouter. أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. D'accord ? Je vous rapporte la fin de l'explication parce qu'elle rentre aussi dans ce qu'on a parlé tout à l'heure par rapport à la divergence, par rapport aux ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport au verset. فَقَالُوا جَلَّ وَعَلَىٰ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Vous avez certes mécru après avoir, vous avez certes dénié la foi après avoir cru. هَذَا دَلِيلَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Cheikh Al-Fawzan, il dit que ceci est une preuve qu'ils étaient quoi ? Croyants. وليسوا منافقين كل زيد باتي زيبوكريت ودل على ان من استهزا بالله او برسوله صلى الله عليه وسلم او بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انه يكفر بعد ايمانه ويرتد عن الاسلام. Et ceci est une preuve, et cela indique que celui qui se moque d'Allah ou de son messager صلى الله عليه وسلم ou de ce qui venait d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'il mécroit après avoir cru et apostasie, c'est-à-dire sort de l'islam, en raison de cela. وَهَذَا مَحَلِ الشَّهِدِنَ الْآيَةِ. Et c'est le témoin argumentatif ici du verset. إِذْ لَوْ كَانُوا قَبْلَ مَقَالَةِ مُنَافِقِينَ لَمْ يَقُولُ. Car si avant de dire cela ils étaient hypocrites, Allah n'aurait pas dit قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ. D'accord ? Après avoir cru. لِأَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَيْسُوا مُؤْمِنِينَ مِنَ الْأَصْلِ. Car les hypocrites ne sont pas des croyants à la base. فَلَا يُسَمُّونَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا يُسَمُّونَ بِالْمُنَافِقِينَ. Ils ne sont pas appelés des croyants, mais ils sont appelés des hypocrites. وقد قال الله جل وعلا في الآية الأخرى في المنافقين ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ذل العلماء كما يسون بخسي وليقول بعد إيمانهم. D'accord. Avec cela on va s'arrêter là-dessus. C'est juste pour que vous rappeliez donc ce qui s'est passé lors de la raseau de Tabouk et qu'il y a un groupe de personnes qui sont assis dans une assise et qu'un d'entre eux, d'accord, a dit certaines choses. Vous avez entendu ces choses-là, l'a'adou billah, sur le messager d'Allah et ses compagnons, et qu'il y avait un jeune parmi les Ansar, qui était là, et qui s'appelle Aouf ibn Malik, qui a entendu cela, et qui a réprouvé cela, et qui a dit qu'il allait certes informer le messager d'Allah, mais la révélation l'avait quoi précédé, et que Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà informé de ce que le prophète alayhi salam de ce que ces gens-là avaient dit. Et donc cette personne-là qui avait dit cette parole est venue pour s'excuser auprès du messager d'Allah salam qui était monté sur sa monture, sa chamelle, et que il s'accrochait à la sangle de la chamelle du messager d'Allah salam et disait nous ne faisions que quoi plaisanter et bavarder. Et qui disait que c'est juste des paroles qu'on disait pour hein, que la route nous paraisse moins longue, etc. Et que le messager de l'assassin ne se tournait pas vers lui et ne rajoutait rien de plus que le verset. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et pour pour un prochain cours. Hein. Il faut préparer, quoi. Moi, tu veux pardonne, tu veux. Qu'est-ce que je voulais dire oui, le cours prochain, je vous laisse le choix. Parce que j'avais dit que, vous rappelez, j'avais dit que il y avait un cours qui m'a personnellement beaucoup touché, que j'ai fait dans quelques villes en France, sur Yom Qiyamah, qui est le tafsir en fait de Surat Al-Qari'ah, qui est tout ce qui touche à la résurrection, Yom Qiyamah. C'est un rappel qui est fort et qui touche en général les gens. J'en ai parlé notamment hier à certains frères. Ils m'ont demandé si j'allais le faire aujourd'hui. Quand on était parti sur Nawaqid l'islam et qu'on voulait avancer, on voulait terminer le sixième législatif, j'ai voulu faire ça. Mais la semaine prochaine, si vous voulez, on fait le rappel sur Yom Qiyamah. On peut le faire même un autre jour. Hein, ça peut se faire aussi, mais c'est peut-être mieux de le faire le samedi, qu'on a l'habitude de se retrouver le samedi. Donc vous décidez. Ou on fait ce cours-là, on continue le septième législatif, ou on fait un rappel sur Yom Qiyamah, sur la résurrection. Hein. C'est un rappel qui m'a beaucoup touché. Et dans toutes les villes où j'ai été, Annie, les gens ils étaient touchés, même certains qui pleuraient, vous voyez que les visages ils étaient pâles pendant le dars. Hein? Parce que des paroles qui sont fortes et qui rapportent comment les gens vont se lever de leur tombe et comment ils vont se retrouver, comment ils vont avancer vers Allah, hein? Etc. Et comment votre. Comment nous tous on va être. D'accord? Donc c'est un bon rappel par rapport aux tombes, par rapport au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport au jugement, par rapport à ces choses-là. Donc vous décidez. Soit vous. On fait ça la semaine prochaine, soit on continue à voir l'islam. Qu'est-ce que vous dites? C'est ça. Qui veut faire le. On va pas faire un vote, hein, les frères. Mais... Hein? Mais je veux dire, mais vous êtes d'accord qu'on fasse le rappel la semaine prochaine? C'est bien, je pense, de temps en temps de faire un rappel comme ça. Mais donc, samedi prochain, inshallah, on se voit et on fait donc. Je l'ai déjà fait, il est disponible sur notre site en notes et en audio. C'est à vous de si vous déjà le lire à l'avance ou bien si vous voulez que l'effet soit. Hein? Le samedi prochain, vous voyez, c'est point à méditer tiré de la sourate Al-Qari'a, le fracas, et c'est un rappel de Cheikh Abdullah Dimari al-Yamani. D'ailleurs, un de nos frères qui étudie en Médine nous a dit que hier ou avant-hier, ils se sont retrouvés avec certains machaires du Yémen qui étaient en Hajj et qui étaient donc en visite à Médine. Ils sont partis pour le Hajj, qui étaient donc en visite à Médine, et parmi eux, il y avait Cheikh Abdullah Dimari. Donc on se voit samedi prochain. Samedi prochain, je vous propose qu'on fasse le cours à 19h. Pourquoi on n'attend pas trop longuement après la prière. D'accord, 19h c'est bon. 19h, Inch'Allah. 16, et samedi prochain, Inch'Allah. Jazakumullah khair.